mesdames, messieurs et menestres, et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxelloise dans lequel on a presque rien préparé. Sinon, ce ne serait pas de l'impro. Je m'appelle Emmanuel Hennebert, je serai votre présentatrice du jour. Je vous écoutais l'épisode 34 de la saison 5. Nous sommes le 27 mai 2024 au moment de la diffusion de ce podcast. Et au moment de l'enregistrer, il fait beau, il fait chaud. Et en même temps, comme nous sommes bien avant le 27 mai, on se dit que c'est un signe de la fin du monde. Mais qu'en même temps, on l'apprécie. La fin du monde. Pour vivre cette pré-fin du monde avec moi, j'ai la merveilleuse Ise Brassel. Yes! Yes! Yes, Ise Brassel, yes! J'ai le fantastique Hicham El Amoury. J'essaie de trouver un mot marrant. Hicham El Amoury, Hicham El Amoury. Merci. Finalement, tu n'es jamais plus drôle que quand tu es toi-même. Je sais pas si c'est. Je sais pas non plus. Un shadow. Je vais le prendre comme une insulte grave. Il nous revient après deux semaines. Entre les deux, il a littéralement couru un 100 mètres dans le salon d'Ise Brassel. Il est toujours aussi... Dans mon salon de 5 mètres, il a couru un 100 mètres. Oui, absolument. Et là, absolument. J'ai un peu la tête qui tourne. Il a plein d'idées d'énergie et de folie en lui encore. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Bonjour et bienvenue de retour, Soufiane. Coucou! Comment ça va depuis ces deux semaines, Soufiane? Ça va super bien. J'ai fait un master en sciences politiques et sociales. Wow. Et tu vas pouvoir sauver le monde alors? Pas sûr, mais je vais mieux le comprendre. C'est déjà bien. Nice. Voilà, et c'est déjà bien. Alors, Soufiane, je vais te faire une proposition que nous n'avons jamais faite à aucun de nos invités. Exclu. Exclu. Waouh! Voilà, c'est exactement ce dont je parle. Parce que tu nous as dit que tu avais très envie de pouvoir prendre le lead et de nous proposer à ton tour un petit quelque chose sur On n'a rien préparé. Alors, sans en ajouter plus... Soufiane, il a clairement genre 1000 fois gagné le prix de la participation. C'est clair. C'est trop drôle. Claire. C'est ça. Claire. Et donc, eh bien, Soufiane, je te laisse la parole pour que tu introduises le prologue de cet épisode. Trop bien. Oh, quelle responsabilité. Qui l'eût cru. Moi, je voulais partager quelque chose avec vous. J'adore les bruitages. Et je voulais simplement vous proposer pour l'improvisation suivante, la toute première. Je vais vous donner des mots et vous allez tout simplement me faire chacun votre bruitage. Donc voilà, c'est clair. Si par exemple je vous demande, vous allez vite comprendre. Je crois que la difficulté ne sera pas dans la compréhension de ce que tu demandes. Quand je fais une manipulation et des bruitages dans la vraie vie, je dis littéralement ce que je fais. Genre si je monte un escalier, je fais escalier. J'ai entendu quelques épisodes qui t'ont trahi, en effet. Ouch. Et j'en ai entendu ça assez. The shade. The shade of it all. Le but n'est pas de le faire bien, le but est de se marrer. Vas-y. Donc, lance-nous. On va le faire comme vous voulez, mais... Ouais. Comme vous voulez, mais dans ce sens-là. Comme vous voulez, mais dans ce sens-là. Parce qu'ils se terminent, c'est plus marrant. Et donc, le premier bruitage, et tu vas voir, le premier bruitage, c'est une porte, tout simplement. Voilà, vous voyez, il y a déjà trois portes. Wow. First phase, passed. Je voudrais maintenant un canard. Canard. Pardon. Mais oui, mais c'est ça, on a reconnu le canard. On a reconnu le canard. Maintenant, je veux... Mais bien sûr qu'on l'a reconnu. Je veux maintenant de l'eau qui tombe sur une bâche. Je veux maintenant un aigle. Ah! Alors, oh là là, mais... wow. Alors là, on a créé une vocation, je pense. La vocation de doubleuse d'aigle. Donc je vous laisserai louper ce bruit d'aigle. À votre guise, waouh, j'ai été bluffé. Putain de... Alors peut-être un petit pour terminer. Oui, bien sûr. Il faut choisir. J'ai bien senti que t'en avais encore 42. Mais... Je veux une fermeture éclair. Merci. Il y a eu... Merci. Il y a eu, wow. il y a eu le sac de sport, oui. La tente et la braguette. Vous voyez. Ou alors, c'est, tu vois, les zippettes sur la manche des vestes en cuir. Je te laisse choisir lequel des deux. Hein. Non, la braguette, c'est bien. Waouh, eh bien, merci. Putain, cet aigle. Merci pour ce prologue, cet aigle était pas mal. J'ai pensé à Spirit. C'est surtout, il a été enregistré. Alors que moi... Oui, alors que moi j'étais trahi par le biscuit au chocolat que j'ai mangé avant. Ouais, c'est une mouette qui est en train de... De décéder. Eh bien, Iso, toi qui es sur un... Oui. Sur un lucky, sur un lucky strike, est-ce que tu nous présenterais une première impro? Mais avec plaisir. Je vais vous proposer à Hicham et à Soufiane de jouer une commentateur sportif. C'est-à-dire que je vais vous donner un événement du quotidien, relativement, enfin en tout cas de la vie, et vous allez devoir commentater cet événement comme si c'était le mondial de sportif de cet événement en question. L'événement, il s'agit de quelqu'un qui s'arrache sa dent de lait. Arracher sa dent de lait. Attention, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce grand moment de télévision. En effet, Pedro, je suis très heureux de partager. Mais oui, un honneur à chaque fois d'avoir une sommité de la dentisterie telle que vous dans le booth de commentateurs, parce que avec des spécialistes, des gens qui savent ce qui se passe, en fait, on a des vues sur un autre regard sur les événements. Et oui, Pedro, et les téléspectateurs sont là pour assister à ce moment historique. Puisque Ilias a ligoté son incisive inférieure gauche à la poignée de la porte. Alors en effet, Ilias est un grand challenger puisqu'il vient d'Algérie. Il représente pour ses JO et cette nouvelle catégorie qui a été rentrée l'extraction de dents de lait dans cette nouvelle compétition. Une discipline avec un turnover de candidats assez élevé, hein, vu que ça se termine très vite en fait. Hein. En effet, Ilias... Le temps qu'ils s'entraînent, ils en ont plus qu'une ou deux et hop, une carrière qui disparaît en instant. Évidemment, ils sont tous jeunes et évidemment, Ilias a 6 ans. Il fait 46 kilos. Un peu d'embonpoint, c'est vrai. Oh, il s'apprête à attacher sa dent à la porte. Compétition commence assez dure, Pedro. Hein. Bah, oui, oui. Alors, en plus, il n'a pas choisi n'importe quoi. La technique locale utilise du fil dentaire. D'autres utilisent plutôt du fil de pêche, beaucoup plus solide. Et oui, et là, il est plutôt sur une corde d'attelage qu'il a accrochée à cette porte. Bah oui, oui, effectivement. Et là, nous constatons qu'il utilise la technique du pied. Ce n'est même pas... Il ne pousse pas la porte. Je ne sais pas si c'est réglementaire. Je vous avoue que je connais les règles. Mais celle-là, je ne la connaissais pas. Hein. Eh bien, écoutez, vous savez, au bout d'un moment, c'est les innovations qui font le... Il a trébuché sur sa corde. Bah oui, mais en même temps, il avait pris 12 mètres. Ça fait trop de... Oh, je vois que l'arbitre se lève, Pedro. Oh là là là là là, il se rapproche. Mais... Je pense que c'est une pénalité qu'il va souffler. C'est une pénalité, il va devoir s'attacher deux dents ensemble. Ah là là là, là va-t-il pouvoir le faire, là Bah oui, c'est la deuxième tentative. Oh, le sang coule sur sa gueule. Ah oui, mais alors... certains spectateurs, nous allons vous laisser palper l'intensité de l'ambiance et profiter des images. Oh, le souffle est coupé. Elle s'est déchaussée. Ah, bravo, ouais, bravo. C'est joli. Deuxième tentative qui solde par une réussite. Ah oui, mais les points du jury sont difficiles c'est un 6.8 malheureusement. Va-t-il pouvoir monter sur le podium avec un score aussi faible? Ah, et nous arrivons nous arrivons au candidat suivant. À vous les studios. Olé. Pauvre enfant. Une corde d'attelage. Mais surtout cette discipline où les gens se déchaussent juste toutes les dents puis leur carrière est finie, c'est horrible. Bah, ils ont que ça. Et c'est une espèce de métaphore assez juste de certains milieux sportifs, quoi. Ah bah oui. Tu vois. Il faut savoir que cet événement m'a été inspiré d'un mème que j'ai vu sur Instagram. D'un petit enfant, on lui a mis, vous savez ces petits pistolets avec les trucs en mousse là. Il a attaché sa dent à la gâchette. Du coup, ça a fait piou, et il y a sa dent qui est partie d'un seul coup comme ça. C'était trop bien. Waouh, quel talent. Ouais. C'est pas, très malin. J'ai un vague souvenir en plus de ça et je me rappelle que ça fait même pas mal. C'est juste tu te retrouves avec du sang sur les doigts et ton truc. Genre... Ouais. Mais c'est bizarre d'avoir la dernière partie. Pourquoi ça tire encore un peu? Ouais, c'est ça. Puis t'as ce truc où tu sais, tu joues avec toute la journée. Genre... Ouais, ça m'énerve. Je travaille beaucoup avec des enfants. Alors, et vraiment, quand ils. Eh bien, ça me dégoûte. Nous allons continuer dans le cringe. En espérant que personne n'a fait de syncope de dégoût. Oui, sorry. Ça méritait limite un trigger warning, cet impro. Cette dame à l'avant du bus à 8h du matin, tu sais. C'est ça. Qui vient. L'impro que tu nous amènes, Hicham. Pardon. Oui, Hicham, pardon. Tu nous amènes une impro. Oui, tout à fait. C'est une improvisation. Weird Things. Ce classique de la culture bruxelloise. Nous inspirons du compte Instagram Weird Things in Brussels, qui répertorie des éléments, des événements incongrus ou des images incongrues enregistrées dans la capitale bruxelloise. Et je vous encourage à aller à regarder le post juste maintenant. Et allez, si vous pouvez, sur le troisième petit point, qui est mon préféré. Nous attendons. Ok. Donc, oh mon Dieu, L'image sur laquelle on se base, c'est le troisième. Hein. Ouais, c'est le troisième. D'accord. C'est une vidéo. C'est une petite bref vidéo. Ouais. J'adore. Tu l'as, Ize? Ok, parfait. Eh bien, ça, c'est votre impulse. C'est Manu et Soufiane qui la font ensemble. Et c'est parti maintenant. J'ai envie de le garder près de moi. Mais on en a déjà parlé. Mais si on sort du zoo ici, je suis sûr et certain que malheureusement, il lui arrivera du mal. Écoute, Ismaël... Bon, ok, tu peux le garder, mais c'est toi qui le portes. Oui. Ok. Viens avec moi, grande girafe. Ah non, tu veux... Mais moi, je pensais le... Là. Ah, wow. Regarde. Elle m'a attrapé par le col. Non, wow. Non. Ismaël, non. Attends. Salut. Non, Ismaël, reviens. Non, Ismaël. Tourne à gauche. À droite, c'est l'autoroute. Tourne à gauche, Ismaël. On va vers le tram. Oui. Ding ding. Oh, merci de m'avoir relâché. Et qu'est-ce que je dois payer pour une girafe, moi? Pipou. Excusez-moi. Pour ceci, ce sera beaucoup plus cher. Ah. Du coup, quoi? Je passe trois fois ma carte mobile ou je... Non. Vous comprenez pas. Vous allez devoir payer le ticket pour tout le monde ici. Là, on peut pas garder une girafe et garder des gens. Vous allez payer pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en savez d'abord ? Excuse-moi, gamin, tu t'adresses à moi ? Oui, vous êtes contrôleur et j'estime avoir le droit de connaître mes droits. Donc donnez-moi l'alinéa qui stipule que tout animal de compagnie exotique doit avoir un ticket. Oui, exactement, écoutez le petit ! Oh, c'est vrai, bien joué, petit. Bravo, petit, ouais. Oui, vas-y, donne tes doigts. Oh, je suis fier de toi, Ismaël. Oh, mais comment est-ce qu'on va faire rentrer ce rhinocéros dans ce tram, hein, les... Oh là là, allez, on... Regarde, j'ai encore plus d'amis pour pouvoir rentrer à la maison, Gisèle. Oui, c'est très bien, Ismaël, c'est très bien, mais... bon, on descend au prochain arrêt, alors... Vous êtes vraiment la meilleure professeure que j'ai jamais eue. T'inquiète pas, Ismaël, t'inquiète pas. Ta présentation de biologie de demain se passera très bien, j'en suis sûr. Oui. Trop choupi, ce gosse. Cute. Oh là là. Waouh. Cute. Très mignon. C'était pour réanimer la dame qui était tombée dans le bus. Ah oui. Qu'elle fasse un petit peu de douceur. Ah ouf. Oui. Une girafe dans un tram. La brave auditrice. La bave auditrice. La brave auditrice. J'ai entendu la bave. La bave. La bave auditrice. C'est ce que j'ai dit. Et elle vient de se refaire une syncope. Elle est bavophobe. C'est une... Voilà. Bien, pendant que je vous fais lézarder avec la bavophobie, je me connecte au Bluetooth de l'émission pour vous présenter le troisième épisode, la troisième improvisation. Troisième épisode, on fait un troisième épisode avec Sophia. J'ai gagné. J'ai tout gagné. J'aimerais beaucoup, mais... On va péter le champagne sans alcool. Va falloir en parler au staff qui fait la programmation. Mais c'est bon. C'est pas faux. Alors, la prochaine improvisation et troisième improvisation du jour, ce sera une improvisation variation de style. C'est-à-dire que donc Ize et Soufiane, j'ai prévu six styles différents. Vous allez commencer dans un premier style et régulièrement, j'interromprai l'improvisation et vous indiquerai le style dans lequel va continuer votre impro. Et ce sera à vous à continuer les mêmes personnages, la même situation, la même action, mais en changeant de style régulièrement, en vous laissant porter. Oui. Je vais vous lancer avec un premier mot et un premier style. Votre mot sera cabane et votre style, ce sera à la manière d'un journal intime. Ouh. Attention, un journal intime avec une cabane. Attention, c'est parti. Cher journal, aujourd'hui, avec Julien, nous avons décidé de nous retrouver dans la cabane. Celle que nous avions construite, il y a maintenant 3 mois. Nous étions mi-juillet, et le bois était brillant. Il avait été lustré par les poignées de ma muse. À toi, Sylvie. Mais une fois arrivé sur place, cher journal, quelle ne fut pas notre surprise de voir notre cabane détruite. C'est sûrement nos poursuivants qui nous ont retrouvés. Nous n'avions que d'autre choix que de monter encore plus haut dans les plaines et en construire une autre. Nous allons continuer à la manière d'une fiction horrifique. Allez, allez Gisèle, il faut que tu montes. Non, je ne peux plus monter. J'ai mal aux pieds. Si t'es à la traîne, ils vont sentir ta peur. Tu sais qu'ils s'en délectent. J'ai pas envie qu'ils mangent tes chevilles. Cours. Non. Julien, je me suis pris le pied dans la racine. Non. Donne ma main. Donne-moi la main. La racine me prend. La racine me prend. Non, Gisèle. Transpire, Gisèle, transpire. C'est ta seule manière de t'extirper de ces lianes. J'essaie de transpirer. Pleure plutôt sur mon pied. Pleure sur mon pied. On va arriver à cette fontaine. Stop. Vous allez continuer à la manière d'une fiction de super-héros. Nous allons arriver à cette fontaine. Cela va nous donner de l'énergie. Et notre super-pouvoir n'en sera que d'autant plus décuplé. La voilà, la fontaine. Non, mais vous êtes trop tard. Les poursuivants sont là. J'ai mis de la strychnine dans l'eau de cette fontaine. Et c'est maintenant que je les enterre, boss. Oh, laisse-les mourir sous mes yeux d'abord. Ce n'est pas... Vous êtes terrible, boss. Julien, prends-moi la main. Gisèle. Le pouvoir de notre amour sera plus fort si on s'unit. Oh. Vous allez continuer à la manière d'un conte érotique. Ah, nous voilà débarrassés de ces méchants. Oh, j'ai transpiré. Moi aussi, je vais devoir me mettre dans une tenue plus adaptée au voyage. Oh, que faisons-nous ? Oh, qu'est-ce que nous faisons encore ? Oh, vivant ! Je ne sais pas, boss, mais... Oh, aidez-moi à me relever. Oh, attendez, boss, appuyez-vous sur moi. Non, appuyez-vous sur moi. Oh, nous roulons le long de cette pente. Laissons ces malotrus. Viens. Avance. Tiens-moi la main. Je n'ai pas envie de te tenir la main. Serre-la fort. Une fois qu'on sera arrivé à notre prochaine cabane, oui. Je peux t'assurer que la nuit va passer vite. Nous avons un objectif, rappelle-toi, Julien. Oui. Reconstruire notre nouvelle maison. Planche après planche. Clou. Après clou. Vous allez continuer à la manière d'un western. Nous y sommes enfin. L'endroit idéal pour cette nouvelle cabane. En tout cas, il n'y a personne autour. On sera bien tranquille ici, Gisèle. Ça nous laissera un petit peu de temps. Julien, qu'est-ce que je vois là? Julien. Oui, je commence. Tu crois qu'elle va se faire tout seule? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que cette planche? Tu comptes faire une cabane pour une ou deux personnes? Gisèle, ce n'est pas ce que tu crois. Tu comptais faire une cabane pour toi tout seul, Julien? Je voulais à la base qu'on soit tous les deux, mais... Oui? Il n'y a trop peu d'arbres ici. Je n'ai pas le temps d'en couper d'autres. Tout ça pour ça? Je ne voulais pas te le dire en bas, sinon tu n'allais pas monter jusqu'ici. Comme on se retrouve... Décidément, ce sera vraiment beaucoup trop pour cette cabane. Gisèle McClone et Julien Pastnager. Vous en avez fait du chemin depuis la prison. Ferme-la, Culligan. C'est Shérif Culligan pour toi. Shérif de mes deux boules. Ah, je vois que tu as déjà cette planche pour ton cercueil. Gisèle, tu vas revenir vite fait bien fait avec nous. Sur ton affiche, à toi, il y a Alive, mais pas sur la tienne, Julien. Tu ne l'emporteras pas avec toi. Depuis que je suis rentré dans ce saloon en bas de la montagne, je l'ai libérée. Elle n'est plus à toi, ma Culligan. Et elle n'est plus à toi non plus. Ah ! Enlève ce canon de ma joue. Pour toi, c'est la dernière fois que tu cloues une planche. Et nous allons terminer à la manière d'un jeu télévisé. Oh. Eh bien, je vois que les deux candidats ont trouvé un arrangement entre eux. Pour ma part, je rends les studios et je vous laisse avec Julien et Gisèle qui vont concourir pour le prix de la cabane. Salut ! Ah, j'ai vraiment hâte de commencer. Mes plus grandes aptitudes sont la sincérité, la spontanéité et surtout beaucoup d'humour. Alors, moi, je m'appelle Julien, j'ai 36 ans et j'aime les clés. Attention, vous êtes prêts? Maintenant, clouez les planches, planches, planches, planches, planches, planches, planches, planches. J'utilise mon joker. Est-ce que je peux utiliser la visseuse? Oh, c'est 15 pas secondes du jeu. De visseuse. Est-ce que je peux faire un appel à un ami? Appel à un ami? Oui. Bonjour, shérif. Oui. J'ai besoin... Gisèle McClone. Si je reçois plus de planches, je suis prête à vous laisser, Julien. Ça peut se faire. Oh. J'ai fini. Julien a terminé sa planche. Yeah. Je t'ai eu. Oh là là, c'est cocasse. J'ai même pas encore vu quel lot j'avais pu gagner. Mais grâce à Gisèle et à son ami, Julien est éliminé. Gisèle est la grande gagnante, vous pouvez tirer le rideau. Félicitations. Une voiture. Et oui, pour repartir de cette cabane dans les bois et retourner chez vous, nous vous offrons une Nissan Renegade. Allez, restez avec nous pour plus de fun, plus de game, plus de show, plus de fun game show. That was something. That was fun. That was fun. That was fun. Alors que c'est toi qui as choisi les trucs, hein. C'était, oui. D'accord. Oui, j'ai fait exprès. J'ai voyagé. Ah oui. Franchement, c'était je conseille bien. À tout le monde de se réveiller avec une chronique comme ça. Franchement, pour commencer mes dimanches. Cette musique était infernale. Waouh, oui, cette musique était particulièrement géniale. Eh bien, merci pour cette dernière improvisation. Merci pour ces trois improvisations. Voilà. Avant de te laisser repartir vers de nouvelles aventures pleines de cabanes et d'autres joyeusetés, est-ce que tu as un petit coup de cœur pour nous, Soufiane? Eh ben oui. Le petit coup de cœur que j'ai, c'est Pierre-Yves Roy Desmarais, qui est un improvisateur, entre autres, mais aussi un humoriste québécois. Que j'ai bien aimé. Je vous invite à aller voir son spectacle. Il est actuellement gratuit sur YouTube parce qu'en fait, il est juste extraordinaire de chant, d'humour, etc. Je pense que ça vous plairait. Et voilà, donc je suis très admiratif de ce gars-là. Si un jour je peux faire un spectacle comme lui, je serai l'homme le plus heureux du monde. Et donc voilà, je voulais partager ce gars-là qui est pas très connu chez nous, mais qui en vaut la peine. Trop voilà. Bien. Eh bien, il sera en description de l'épisode. Ça te démange à toi de faire du stand-up ? Alors, j'ai commencé, mais j'ai commencé, j'en ai fait trois. Et à part du stress, je n'en ai pas tiré grand-chose. donc voilà, mais l'exercice est super cool et oui, c'est autre chose. C'est Oui. Mais le mois passé, on avait Moana Genevet qui nous disait que c'est énormément de boulot pour arriver à quelques minutes qui tiennent la route et où on peut sentir une certaine liberté à les présenter en public sans justement juste dire c'est quoi mon texte et comment je fais et je dois interagir avec le public et Ben oui, donc. Et surtout quand on a fait de l'impro pendant plusieurs années, le cerveau est drillé à ça. Et en fait, c'est pas du tout la même chose, forcément. Et donc, voilà. Ben parfait. Écoute, nous sommes, au moment de la diffusion de cet épisode, le 27 mai. Alors déjà, est-ce que tu as des dates qui arrivent dans les prochaines semaines ? Est-ce que notre public peut venir t'applaudir et rigoler de toute ton énergie, une scène de stand-up justement. Mais pas cette année. Ce sera sans doute pour l'année prochaine parce que je le mets en stand-by parce que j'attends un heureux événement. Mais le 27 déjà, ce sera mon anniversaire. Donc si les gens veulent m'envoyer des messages, souhaiter un bon anniversaire. Faites-le immédiatement. Oui, c'est ça. Maintenant. Mais sinon, il y aura à nouveau la Boring Team. On a encore le 31 mai et le 31 juin au Trac. Voilà. C'est un excellent spectacle, comme on l'a déjà dit. Oui, on l'a déjà dit. Et l'année prochaine, évidemment, la Ligue d'impro qui recommence. Et donc, il y aura encore plein d'autres spectacles. Il y a le Festival Impro Liégeois qui recommencera aussi l'année prochaine. Et donc, voilà. Et j'espère surtout vous croiser. Mais avec plaisir. Si je peux faire un vœu, je ferai celui-là. Il n'y a pas de bougie. Donc, on vienne à tes spectacles, quoi. Non, qu'on puisse jouer ensemble. Mais oui, non, mais oui. Vraiment. Bien sûr. Eh ben, merci beaucoup d'être passé. De toute façon, tu as des réseaux sociaux où j'imagine que les gens peuvent venir s'abonner pour rester au courant de toutes les actualités. Sur Facebook, sur Instagram, Soufianagram. Ouais. Eh ben, ce sera aussi relayé dans nos publications. Merci beaucoup d'être passé. C'était super de t'avoir. C'était plein d'énergie, de joie et de surprise, tout ce qu'on adore dans cette émission. Donc oui, on se fait des petits cœurs avec les doigts là. On se fait des petits. Peut-être un dernier mot avant de nous quitter, Soufiane. Je vous remercie pour votre bienveillance, votre énergie et votre amour, tout simplement. Oh, wow. Et ce que vous faites est génial, vous avez plein d'épisodes, c'est trop cool et c'est vachement novateur d'avoir un concept comme celui-là en impro. Non mais c'est vrai, je dis pas ça par graissage de bras, mais c'est pas pour rien que vous avez réussi à ramener quand même des pointures, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des sacs d'improvisation qui sont un peu extérieurs à tout ça. Il y a quand même eu des... Avec Soufiane Agram est une pointure. Non, moi, c'était un honneur de venir parce que on parlait de Marie-Paul Kums, on parlait de Laurence Katina, Valentin Delieu, etc. Enfin, c'est quand même des pointures en improvisation. C'est des gens extraordinaires à découvrir. Et merci, du coup, de les mettre en avant. Et merci à vous. Eh ben, merci d'être passé à toi. Je te souhaite le meilleur, du coup, pour déjà le 30... Alors, donc, c'est le 31 mai et le 30 juin 31 mai et le 30 juin, tout à fait, au Trac, à Auderghem. Le meilleur pour ça, et puis surtout, le meilleur pour cet heureux événement que tu attends, du coup. Waouh. À la semaine prochaine pour un épisode entre nous. Yes. Et puis, des bisous sur vous, de l'amour bisous. Sur vous. Et puis, le meilleur, et puis, à bientôt. Bye bye. À bientôt, et prenez soin de vous. Salut.